il vaut mieux mi ça va. Parce qu'il y a 65 blessures, moi la baisse mon des bras. Les vrais des femmes il fait le dire, mais mon cœur il est amoureux. Pour le meilleur et que le pire, mais croyez nous t'es engagé. Que m'y connais pas, m'y pense que c'est plutôt ça. Si un sentiment, l'amour, n'a le pouvoir, fait couler mon larme, alors pourquoi il appelle ça le bonheur? Non, m'y gagne pas, garde le meilleur, m'y repense à tous les moments d'hier, alors que demain, où sera pire que moi? Si un sentiment, l'amour, n'a le pouvoir, fait couler mon larme, alors pourquoi il appelle ça le bonheur? Fait court.